Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Hockey Ciné. Je suis toujours bien accompagné d'Aurore, salut Aurore. Bonjour Kevin, bonjour tout le monde. Tu vas bien ? Bien et toi ? Eh ben écoute, quand il s'agit de parler de cinéma, toujours. Alors bon, ça fait un petit temps qu'on n'avait pas eu l'occasion d'échanger, mais on n'a pas arrêté de voir des films, hein, oui, ça c'est oui, sûr. Oui. D'ailleurs voilà, on en a vu un certain nombre dernièrement, donc voilà, ouais. Il a fallu faire un choix, oui. c'est choisir, c'est renoncer. C'est toujours compliqué. Mais on aura l'occasion de reparler de films autrement. Ouais. Et aujourd'hui, on va vous parler donc de Chien 51, film français de Cédric Jiménez, sorti le 15 octobre 2025 au cinéma et qui est lui-même une adaptation, le film du roman du même nom de Laurent Godet, publié en 2022. Alors, pour l'histoire, donc dans un futur proche, Paris a été divisé en trois zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, deux policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Alors, qu'en as-tu pensé justement de cette enquête, de ce thriller policier, science-fiction même, on peut dire, oui, français? Oui, c'est de la science-fiction. Ouais. Oui. C'était très intéressant. Alors, ça, c'est une production Netflix, enfin, partenariat avec, ouais, Netflix, ça se voit. Voilà, les bons plans de bataille, etc., dans Paris, tout ça. Bon, il y a quelques fonds verts, ça se voit aussi. Non, c'était intéressant, c'était un bon film français d'action et science-fiction. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas c'est vu vrai. De la science-fiction. C'est quand oui. même assez rare dans les films français. Ouais, en tout cas, j'en ai l'impression. On sent la patte Netflix et qu'ils ont voulu vraiment mettre du lourd. Après, avec Jiménez, on a l'habitude hein, de la critique de la société, etc. Avec notamment Novembre, oui. Bac Nord, oui. Je pense que c'est le film qui vraiment a eu le plus de succès, je crois, dans sa filmographie. Oui. Enfin, il y avait La French aussi avant. Oui, La French aussi, qui est très ouais, ouais, très bien aussi. Et puis on retrouve hein, les acteurs habituels. Voilà, c'est aussi une production de Shifumi, donc du coup, on retrouve évidemment les mêmes acteurs hein, avec Adèle Exarchopoulos, Gilles Lelouch, Romain Duris, etc. Et j'en passe. Hein. Ouais. Mais qui reste un très bon casting. Après, voilà, c'est les films français qui fonctionnent avec le casting qui fonctionne. Et celui-là, il répond plutôt bien, parce que quand on voit l'engouement qu'il y a autour et la promotion qu'il y a autour, c'est que ça intéresse les gens et que ça fonctionne. Oui, c'est sûr. Bah, je te rejoins. C'est sûr que c'est un film bien emballé. Oui. La forme est belle. Il y a eu le budget qui a été mis hein, aussi. Oui, hein, oui, évidemment. C'est la plus grosse production hein, de cette année. Ok, ouais, ouais, c'est ouais. La plus grosse production. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Même si, comme tu dis, bon voilà, il y a peut-être des petites choses à redire, mais globalement, voilà, on sent que. Oui, voilà, oui, oui. Y a après, le budget. Voilà, ça répond au code de la science-fiction. Il y a le gros questionnement sur l'intelligence artificielle, évidemment sur la prise de contrôle, etc., etc. Mais le côté enquête policier est aussi très intéressant, bien amené, je trouve, bien ficelé. C'est plus ou moins prévisible. Pour le côté intelligence artificielle, je trouve que c'est assez prévisible, oui. Parce que ça reste un film de science-fiction, donc on sait à quoi évidemment s'attendre. C'est ça. Mais pour le côté enquête et redoublement, etc., je trouve que c'est un peu moins prévisible, juste pour la partie enquête. Je sais oui, pas ce que t'en as pensé. Oui, oui, je te rejoins. C'est vrai que sur la partie intelligence artificielle, bon, voilà, moi, c'est ce qui m'a entre guillemets un petit peu plus déçu, c'est le fond. Voilà, c'est pour moi, je trouve que c'est pas assez creusé. Alors oui. Voilà, je n'ai pas lu le roman. Voilà, je sais pas si le roman allait plus loin, mais on sent, comme tu le dis, derrière il y a Netflix, donc ça aurait pu d'ailleurs être diffusé sur Netflix très clairement. Oui, oui, hein. Ah bah oui. Bon, après, c'est bien de le voir quand même sur grand écran, non, je trouve. Oui, ça aurait manqué. Bah les décors, Paris, etc., oui, sur grand écran, ouais. les batailles. Etc. C'est quand même plus oui. sympa au cinéma. Ouais, ouais, il y a une bonne BO aussi. C'est enfin, ça. Voilà, non, franchement, c'est bien emballé. Après, je suis d'accord avec toi, c'est avec l'enquête policière, on s'attend pas forcément à tous les retournements de situation. Après, je trouve que ça va peut-être trop, voire très vite. J'ai trouvé, enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi, t'es plus expert que moi ouais, sur la technique. C'est assez, Netflix, parfois, quoi. Je trouve, c'est trop, les scènes sont trop, passent trop d'une scène à l'autre, c'est trop coupé, haché. Enfin, à un moment donné, j'ai en tête une scène où, alors, je sais plus où ils sont, et hop, tout de suite, ils se retrouvent dans une voiture en course-poursuite. Et là, oui. ça m'a, je me suis dit, voilà, attends, on sort d'une scène, tout de suite, ça va là, on sait pas trop comment elle a démarré. Et voilà, je pense qu'il a fait des coupes aussi, hein, parce que le film dure un peu plus d'une heure quarante, mais c'est énormément beaucoup finalement. Non. Parce qu'on est habitué à des films de deux heures maintenant. Oui, exact. Mais c'est le rythme de la production Netflix. On t'emmène et en fait, tu dois juste suivre et ça part dans tous les sens, ça explose dans tous les sens. C'est ça, c'est le code de du blockbuster. Qui, en plus, avec le streaming où les gens peuvent regarder et passer à quelque chose à la suite sans forcément finir le film, il faut que ça aille vite. C'est vrai. Il faut que le rythme intéresse et accroche les gens. Et donc, du coup, déjà, on a le côté un peu blockbuster où il faut qu'il y ait des scènes de bataille, etc., qu'il y ait de l'action. Et en plus, il y a le côté Netflix qui... Enfin, je dis Netflix, mais plateforme de streaming en général, qu'il ne faut pas que ce soit long. Au contraire, il faut que ce soit extrêmement rapide. Ouais. Et les deux mélangés, c'est ça. Ça donne un rythme extrêmement coupé, extrêmement rapide. Mais après, voilà, ça, quand on le sait, quand on a l'habitude... Voilà, on passe outre et on se concentre sur l'histoire qui, franchement, est bien faite. Les acteurs jouent plutôt bien. Alors il y en a, ils étaient un peu critiques sur le duo Exarchopoulos-Lelouch. Je crois que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Enfin, je sais plus, mais il me semble, j'ai un doute. Ou du moins, tête d'affiche tous les deux. Après, voilà. Non, ils étaient... Elle avait joué dans Bac Nord. Oui, elle joue la femme du flic. Oui, mais elle avait pas... Mais ils étaient pas ensemble. C'est ça, le temps d'écran ensemble n'était pas le même, exact. Oui, tu as raison. Oui. Mais oui, globalement, ils remplissent bien le rôle. Et puis, tous les acteurs secondaires, Artus, Louis Garrel, tu parlais de Romain Duris, Varia, Brigitte Deschi. Artus, c'est même surprenant, ça m'a surpris. Ça m'a surprise. Mais il va sur des films un peu plus sérieux. Il avait fait un film La Pampa où il avait un rôle plus sérieux. Enfin, finalement, il est bon. Et puis, j'ai le souvenir, dans ses débuts, il avait quand même joué dans Le Bureau des Légendes. Il avait aussi un rôle sérieux à la DGSE et autres. Et c'est vrai que ça dénote un peu avec son côté comique parce qu'il est connu pour ça, bien évidemment. Bien et puis, avec un petit truc en plus l'année dernière qui a cartonné. Mais c'est bien de le voir dans ce registre-là parce que je trouve que ça lui va bien et ça lui va très bien. Il joue bien le rôle. Oui, il joue bien le rôle. Ouais. Et après, pour revenir sur le duo Gilles et Adèle, effectivement, c'est allé sur un pas qui était un peu... Enfin, c'est allé sur un chemin qui était vraiment pas obligatoire, je trouve. Ils auraient juste pu finir. Non, mais je sais, ça te fait rire, mais. Oui, parce qu'on va pas spoiler, voilà. Enfin, en tout cas, je trouve qu'ils sont allés sur un endroit qui était pas obligatoire. Après, voilà. La fin du film est ce qu'elle est. On peut la critiquer. C'est bien que. Voilà, tout le monde finisse pas correctement, va dire, mais après, effectivement, c'est Louis Garrel un rôle mineur, mais qui reste quand même intéressant. Oui, c'est un peu le fil conducteur quand même, le fil rouge. Ouais, je trouve qu'on s'y attend pas forcément. Non, c'est même vrai. Quand on y réfléchit après, effectivement, c'est dit. Oui. Mais on fait pas le lien tout de suite. Non. On fait pas le lien tout de suite, et ça, j'ai trouvé ça quand même bien. Oui, on reste quand même surpris. C'est pas non plus un scénario cousu de fil blanc. Cédric Jiménez est à la manœuvre. Il a montré par ses précédents films qu'il savait faire des films avec des vraies bonnes histoires. Comme tu dis, c'est bien emballé. J'ai remarqué la période comme ça, octobre-novembre, c'est un peu le genre de films qui sortent. Les films français un peu comme ça qui fonctionnent. L'année dernière, c'était L'Amour Ouf de Gilles Lelouch, pour le coup, il jouait pas, mais réalisé qu'on en avait parlé d'ailleurs. On avait beaucoup aimé. Ouais. Mais c'est la période de ce genre de films qui marche bien. C'est ça, et c'est la période des films un peu plus. Parce que l'été, le printemps, généralement, c'est toutes les comédies françaises. Il y en a toute l'année, mais voilà. T'as la comédie de Noël, etc. Ouais, blockbuster américain, beaucoup aussi l'été. Octobre, novembre, effectivement, on a cette période un peu creuse, on va dire, parce que c'est entre le Pixar et le Disney de Noël et le blockbuster de l'été. Oui. Et généralement, c'est ça, on a les biopics français qui sont un peu plus noirs, on a les films français. Oui. Non, Les Mousquetaires, c'était sorti en été, je crois. Je sais plus. Fin d'année aussi. Fin d'année aussi. Oui, novembre, ou décembre. Enfin, c'était Mais, fin d'année. Il y avait eu notamment le biopic sur Simone Veil. Oui. Il y avait plusieurs. Cette année, il y a eu le biopic Yves Montand, Simone Signoret aussi, début octobre. Oui, là, il y a un film qui est sorti sur Liliane Bettencourt. Oui. Enfin, c'est vrai que c'est vraiment la période et justement. Et c'est bien que ça donne la lumière. Mmh. Ouais, oui. Je trouve que c'est une bonne fenêtre. Pour les films français, en tout cas, c'est une bonne fenêtre de dire, c'est parce ça. Que c'est marrant, parce que j'en parlais avec un ami, et dès lors que je lui parle de films français, tout de suite, il se referme et il se dit, ouais, c'est un peu, ouais, ça va être pas terrible, ouais, quoi. Les réalisateurs comme Cédric Jimenez ou Ladjli, oui. En fait, c'est deux réals, alors, qu'on confond un peu des fois, parce que leur style de film, oui, ressemble quand même, mmh, sur des films très sociétaux, mmh, critiquant la société, etc. Qui eux d'ailleurs ont l'habitude d'être dans le présent, et là du coup de trouver Cédric Jimenez dans un truc futuriste, oui, c'est assez surprenant. Ça reste une critique de la société, bien sûr, mais ces deux réalisateurs là ont ramené on va dire les films un peu plus histoire réelle, moins humoristique, beaucoup moins humoristique, oui, oui. Mais du coup qui ramène sur le devant de la scène ce style là et qui franchement je trouve fait du bien au cinéma français, et voilà, même si ça tend vers le blockbuster, etc., ça fait des grosses productions qui rapportent de l'argent, et du coup ça, je trouve, ça fait quelques années où le style du cinéma français commence à changer, où les gens vont plus voir tout ce qui est comédie française, etc., ouais, qui, non, de moins en moins, qui sont fortement critiqués, et qui rapportent plus, hein, soyons réalistes. Non, c'est vrai. Et je trouve ça vraiment bien que justement ils aient trouvé cette fenêtre de tir qui fonctionne extrêmement bien, oui, et qui arrive pile au bon moment, et qui donne envie d'aller au cinéma, surtout, bah voilà, en plus là les jours raccourcissent, on n'a plus forcément envie de trop sortir, même c'est si vrai. On essaie de profiter des derniers rayons de soleil. Oui, oui, oui. Mais oui, du coup, je trouve que c'est vraiment effectivement la très très bonne période. Ah oui, et puis je trouve que c'est bien, parce que pour les personnes qui seraient réfractaires justement au film français, bah voilà, ce type de film, ils se disent, bon, globalement, je connais peu de personnes qui aiment pas les films d'action. Enfin, il y en a qui aiment pas, mais globalement, ça plaît toujours. Oui. Ça reste, ça touche un large public. Alors même si là, Chien 51, il est moins de 12 ans, mais je veux dire, ça va. Une interdiction à moins de 12 ans, c'est pas moins de 16, voire moins de 18, qui est encore plus rare. Et comme tu dis, ça permet aussi, voilà, de les élever sur autre chose, et d'amener des sujets intéressants, d'une façon emballée, en fait, pour un large public. C'est donc ça. On a un équilibre entre les deux, entre les gens qui, voilà, n'iraient pas forcément voir ce film s'il n'y avait pas la partie action, blockbuster, et inversement avec ceux qui, au contraire, n'aiment pas forcément l'action, mais de par le sujet, vont quand même y aller. Oui, et puis ça ouvre aussi une fenêtre à un style de film un peu plus d'auteur, un peu plus... voilà, sur la critique de la société, et là, utiliser la science-fiction et l'action pour pouvoir en faire une critique. Voilà, je trouve que pour le cinéma français, bon, évidemment, hein, les productions américaines le font tout le temps. Oui. C'est du vu et revu. Ça, c'est sûr. Mais du cinéma français, voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien que ça commence à. Ouais, à non, là-dedans. Non, franchement, il y a de belles productions. Bah, l'année dernière, voilà, ça avait été Le Comte de Monte Cristo, voilà, qui avait tout embarqué. Là, cette année, bah, là, il est déjà à plus d'un million d'entrées, j'ai vu, Chien 51, donc ça sera peut-être celui. Alors, je sais pas si ça sera celui qui fera le plus d'entrées cette année, mais. Il disait que quand même que c'était, je crois, le deuxième film à dépasser le million après Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan, qui était sorti avec Léa Becti, qui était sorti en avril, donc ça remonte. Ouais. Donc a priori, il n'y a pas eu d'autres films qui ont dépassé. Alors je pensais que Les Tuches avaient dépassé le million d'entrées, Les Tuches 5, mais en fait non. A priori, ouais, non, je pensais, mais il était pas loin, hein, parce qu'à chaque fois il avoisine le million d'entrées, donc finalement c'est pas énorme. Non, mais après, enfin là j'ai envie de dire, enfin le casting fait énormément. Oui, ça attire. Non, mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'ils sont là et qu'on les voit dans toutes les productions. Oui. Alors on pourra dire effectivement on les voit partout et c'est toujours les mêmes. Non mais c'est toujours vrai, la même équipe. Oui, enfin de toute façon à chaque fois qu'on regarde dans la liste des, et moi ça me fait rire, mais les Shifumi Productions, bah c'est aussi les Quentin Dupieux, etc. Oui. C'est les mêmes acteurs tout le temps. Oui. Et bah ça fait des entrées, ça ouvre des portes, ça, effectivement eux ils amènent aussi ce style de cinéma. Effectivement, des fois ça peut être extrêmement, enfin c'est toujours les mêmes, on n'est plus surpris au bout d'un moment de les voir, mais c'est ça, c'est ceux qui font les entrées, et moi personnellement je suis contente que ça efface aussi la comédie française un petit peu, voilà, que ça la mette un peu de côté, parce que voilà, enfin mettre de l'argent dans des films qui au final ne rapportent pas, là, je trouve ça un petit peu plus intéressant. Oui. Bon, après, il y a de très bons acteurs de la comédie française. Ah, mais bien sûr, j'en ai un en tête, ça y est, le nom m'échappe, qui avait fait Enfant phare avec Pierre Lotin, qui avait cartonné l'année dernière. Oui, tu vois de la comédie française. Que j'adore, en plus, oui. Il joue très bien, et puis il joue dans plein de rôles différents à chaque fois. Oui, mais il joue aussi dans du drame. C'est ça. Il joue aussi dans du drame. Il fait pas que de la comédie. C'est pour ça que Artus, j'étais contente aussi de le voir dans du drame, parce qu'il passe d'un genre à l'autre. Benjamin Laverne. Voilà, ça y est, c'est ça. C'est merveilleux. Oui. Mais oui, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Donc il faut ce genre de film, en effet, pour rattraper ceux qui marchent moins bien et puis réinjecter aussi de l'argent. Parce que bon, le cinéma n'est pas non plus revenu depuis le Covid, hein. Ils le disent encore. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Oui. Après, faut rappeler aussi que nous, en France, on a quand même un système de cinéma français qui lorsque on achète une place pour n'importe quel film au cinéma français, on verse de l'argent au CNC. Et oui. Donc du coup, ce qui va permettre ensuite de financer des films qui n'auraient peut-être pas pu être financés autrement, parce que parfois il y a des petits films qui sortent c'est comme ça qu'il y a les films d'auteur et qu'il y a des réalisateurs qu'on découvre et après qui partent sur des grosses productions. Les productions américaines, etc. C'est comme ça qu'ils financent. Hein. Ouais. Les productions américaines financent le cinéma français, quoi qu'on en dise. Oui. Mais du coup, de pouvoir aussi donner de la place, c'est ça, du cinéma d'auteur, à des films d'auteur, à des drames, etc. Je trouve ça vraiment plus intéressant et ça met en devant de la scène des films qui pourraient ne pas forcément sortir. Parce que quand on voit des cinémas dans d'autres pays, notamment les États-Unis, où justement le cinéma d'auteur a énormément de mal de sortir. Oui. Il y a Studio N24 qui sortent un petit peu. Oui. Mais c'est quand même très timide. Et je trouve qu'en France, on a cette chance d'avoir cette pluralité de style, de genre, et d'avoir des réalisateurs comme ça, des acteurs comme ça qui passent de l'un à l'autre. Et de sortir des films comme ça avec de la promotion comme ça, avec des studios, des gros studios comme Netflix qui aident ces productions. Je trouve ça vraiment bien. Eh ben écoute, sur ces belles paroles, on ne peut que vous encourager à aller voir donc Chien 51 de Cédric Jiménez qui va rester un petit temps au cinéma puisqu'il cartonne en ce moment. Oui. Après vous avoir parlé de notre coup de cœur cinématographique, on va parler de fun fact, hein, toujours. Voilà, Aurore a déniché dans les films des choses que nous, spectateurs lambda, on ne voit pas forcément, mais avec un œil aguerri, on se rend compte qu'il y a des petites choses à ne pas louper. Effectivement, je vais vous parler de films d'animation. Alors dans les films d'animation, pas mal de réalisateurs et d'animateurs surtout aiment s'amuser avec le jeu des images par seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au cinéma, en général, on filme en 24 images par seconde. Voilà, c'est une convention qui a été adoptée depuis plusieurs siècles maintenant. En fait, notamment dans l'animation, chaque image doit être animée, doit être dessinée, doit être modélisée aussi maintenant. Et donc, ce nombre d'images par seconde, en jouant avec, on va pouvoir donner des styles et donner des informations, des messages, passer des messages grâce à ça. Et notamment, dans Spider-Man Into the Spider-Verse, on a en fait ce message-là qui est donné. C'est New Generation, pardon, c'est le premier. Ah. Excusez-moi. Oui. Bon, les deux sont tout aussi bien, voilà. Alors je comprends que tu te perdes parce que... En fait, quand Miles Morales obtient ses pouvoirs, il n'est pas animé en fait en 24 images par seconde, il est animé en 12 images par seconde. Ce qui était un peu la base des premiers films d'animation, c'était une histoire de gain de temps en fait pour dessiner un petit peu moins, pour que les films sortent plus vite. On animait en 12, ce qui fait que c'est beaucoup plus saccadé pour l'œil, c'est moins fluide. Et donc du coup, ça donne un style à Miles qui est très très saccadé, maladroit, alors que les autres Spider-Man, que ce soit Peter Parker, Gwen Stacy, ont accepté totalement leur rôle et donc du coup sont animés correctement en 24 images par seconde. Et donc de façon fluide, de façon avec des beaux gestes, etc. Et en fait, au fur et à mesure du film où Miles Morales accepte, au fur et à mesure, petit à petit, ses rôles, son rôle, ses pouvoirs, et notamment la grande scène où il saute de l'immeuble, où il accepte pleinement ses pouvoirs, et ben là, il commence et il est à la fin animé en 24 images par seconde, comme tout le décor, etc. Et comme le décor aussi est animé en 24 images par seconde, lui d'être en 12, c'est encore plus accentué. Et oui. Mmh. Et c'est dans Into the Spider-Verse où il s'amuse aussi avec Spider-Punk. Exact. Où oui. Il change et en fonction des parties de son corps, ils sont animés différemment. Je me souviens. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant. Ok, très bien. Bah voilà, comme quoi, voilà, la technique, on peut faire énormément de choses. Exactement. On souhaitait également, faire un petit point actu cinématographique parce qu'il se passe beaucoup de choses dans le milieu cinématographique. Alors, on a appris le 31 octobre dernier la disparition d'un comédien qui faisait peu entendre parler de lui, mais alors qu'il avait une gueule, une voix, une présence dans, que ce soit au cinéma ou même à la télévision, parce que il a fait pas mal de séries. C'était l'acteur Checky Cario. Il a joué beaucoup de rôles de méchants, notamment au cinéma. Il est devenu célèbre dans les années 80, notamment en jouant devant la caméra de Jean-Jacques Hano avec le film L'Ours, ou encore Luc Besson avec Nikita. Voilà, c'est vraiment les deux rôles qui l'ont propulsé sur le devant de la scène. Donc c'est un acteur qui est né à Istanbul en 53, qui parlait plusieurs langues. Il était polyglotte, il maîtrisait très bien le français, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Ce qui lui a notamment permis d'avoir une carrière à l'international. Oui, du coup, c'est classique. Et oui, il avait notamment joué dans Bad Boys. Dans GoldenEye, un James Bond. Ah oui, okay. Eh oui, oui, en 1995. Mais aussi dans un film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb. Il y avait aussi Gérard Depardieu dedans. Exactement. Autre acteur français. Et au fur et à mesure de sa carrière, il a un moment parfois quitté le grand écran pour le plus petit écran, pour jouer à la fois dans des séries britannique mais aussi française, et sa dernière apparition au cinéma c'était cette année dans un film qui est un peu passé inaperçu, c'était pas un grand film, le film Rapide avec Alban Lenoir. C'est un peu comme Balle perdue sur Netflix, la trilogie. Bon, là c'est sur la Formule 1. Voilà, donc c'était son dernier rôle. Alors toi, je sais pas si voilà, c'est un acteur que le nom te disait quelque chose, mais le nom voilà, parce qu'il avait quand même un prénom et un nom particulier. Oui. Ça s'oublie pas. Oui, non, clairement pas. Ça c'est sûr. Donc voilà, on voulait vous en parler rapidement puisque malheureusement il est décédé prématurément à l'âge de 72 ans des suites d'un cancer. Et c'est vrai que voilà, c'est le genre d'acteur qui marque quand même par des rôles de méchants. Je trouve que pour moi, dans les films ou les séries, c'est encore plus difficile de jouer un méchant que de jouer le héros, finalement. Oui, et puis d'être retenu comme étant un acteur de méchant. C'est ça, oui. Donc il avait vraiment la gueule de l'emploi. Oui. Il aura marqué en tout cas le cinéma français et également à l'étranger. Nous souhaitions saluer sa mémoire aujourd'hui dans cet épisode. Afin donc de se projeter sur les prochaines semaines et pour clore cet épisode, avec Aurore, on a regardé un petit peu les prochaines semaines, on s'est dit... Waouh, il y a trop de choses à voir. Oui, beaucoup trop de styles. C'est difficile de choisir. C'est ça, français, étranger, il y a animation, tout. Je me suis dit, allez, je vais essayer de prendre déjà la semaine prochaine, les semaines qui viennent rapidement. Alors, le 12 novembre prochain, vous avez la sortie du troisième volet d'Insaisissable, film de braquage avec des magiciens qui démarrait il y a... quinzaine d'années, le premier il date d'il y a au moins 15 ans je pense, le deuxième d'il y a 10 ans, et là, ils sortent un troisième, comme ça, avec le même casting quand même, faut le souligner. Oui, avec la relève, mais le même casting. C'est ça, il y a quelques nouveaux personnages, mais il y a toujours le casting original, donc c'est plutôt pas mal, parce que c'est toujours embêtant quand il y a des suites comme ça et que ça change ou autre, alors que le casting original était pas mal. Oui, on le savait avec Jurassic Park, etc., oui, et bon, j'en ça, passe, on le savait. Toutes les suites. Oui, mais là, bon, et puis Insaisissable, je trouve que c'est des films avec un bon capital sympathie, ça se regarde bien, je sais pas si tu les as vus. Oui, je les ai vus. Oui, franchement, oui. C'est plutôt sympa à voir. Oui, et puis la magie, ça change. Enfin, oui, c'est vrai. Au cinéma, la magie transformée en vol, etc. Je trouve ça vraiment bien fait. Oui. Et je me souviens, moi je garde en tout cas un bon souvenir moi des aussi, deux premiers. Ouais, ouais, ouais. Là, cette fois-ci, les cavaliers sont de retour pour le braguage le plus impressionnant jamais imaginé. Ça n'a pas l'air de, d'être de révolutionner le genre. C'est ça. Voilà, ils disent ouais, c'est encore plus grand, encore plus fort, incroyable. Cette fois-ci, ils sont accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens. Bah tiens, surprise, ah oui, il y a des nouveaux qui arrivent, qui espèrent suivre leurs traces. Ils vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire, dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle. Moi, je m'attends pas à grand chose si ce n'est passer un bon moment et que ça soit divertissant. C'est voilà. Ça, exactement. Mais je pense, voilà, j'irai le voir. Je bouderai pas mon plaisir parce que voilà, ça fait plaisir de retrouver aussi bah, les acteurs hein. Et puis c'est un très bon casting. Oui, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman qu'on retrouve, Woody Harrelson. Enfin bref, il y a une belle brochette d'acteurs. Oui, et ben bah, un autre moment, un bon moment à passer, qui du coup là moi j'ai pris un petit peu plus loin, j'ai pris pour la semaine du 26 novembre, ouais. Il y a The Topi 2, donc pareil une suite aussi. Et oui, hein, le premier il date un peu, 5 ans facile, hein. Non, peut-être plus même. Même plus, ah ouais, bon je pense que c'est wow, plus, ouais. Ah ouais. Je sais plus. Ouais, ouais. Mais donc du coup qui va sortir le 26 novembre, donc le film d'animation de fin d'année. Donc là on retrouve pareil le duo donc de Judy Hopps et Nick Wilde qui après avoir résolu cette fois-ci une grande histoire criminelle dans Zootopi et bah du coup vont devoir collaborer ensemble pour pouvoir éclaircir sous couverture dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s'engager sur la piste sinueuse d'un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale. Donc voilà. Une nouvelle enquête. C'est ça, une nouvelle okay. Enquête. Bon. Voilà, bon film d'animation oui. Pour bien finir l'année, je trouve que ça fait... Puis le premier avait cartonné, vraiment bien, ouais. Sympa, c'était du vrai bon Pixar. C'est ça. Donc là, je pense que ouais, ils attendent beaucoup de celui-ci, hein, parce que les derniers n'avaient, à ma connaissance, pas eu un succès fou. Il y a eu Elio, oui, Elio qui est sorti. Bah, Elio, oui, après, il a eu du... Enfin, il a été repoussé. Alors moi, non, tu l'as vu ? Non, je ne sais pas. Moi, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé même assez émouvant. C'était peut-être pas le meilleur, mais franchement, il était pas mal, mais voilà, comme tu dis, je pense que voilà, ça a été un peu compliqué la sortie, la promo, enfin bref. Oui. Alors que bon, là, Zootopi, ils ont pas besoin de faire grand chose, hein, clairement. Non, le premier non. Avait tellement fonctionné. C'est comme j'ai vu que Toy Story 5 sortait l'année prochaine. Moi, Toy Story, ça fonctionne tellement bien qu'ils ont pas besoin de trop de faire de pub. Hein, oui, non. Je pense, bon, voilà, ça, Zootopi 2, c'est un million d'entrées à assurer. S'ils respectent le style, s'ils respectent l'humour, s'ils oui. Respectent l'histoire, les personnages, etc., généralement, ça fonctionne plutôt bien. Je suis d'accord. Bon, bah, en tout cas, on va pas s'ennuyer entre des magiciens. Et voilà un duo de choc entre un renard et une lapine avec Zootopi 2. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment cinématographique. C'est toujours un plaisir de parler de cinéma. Et puis, bah, on se retrouve pour un prochain épisode, Aurore. À bientôt. À bientôt. Thank you.